Issa Diawara, cher ami, est-ce que, au vu de ce qu'on a observé il y a quelques instants, on peut désormais dire que les positions entre la MINUSMA et le peuple malien sont définitivement irréconciliables? Ok, merci, mon cher Junior Wafo. Les positions sont irréconciliables, pas depuis maintenant, mais depuis un mois. Et nous ne savons pas pourquoi la MINUSMA s'entête à vouloir rester là où peut-être elle n'est pas aimée. Et je n'ai jamais connu, en tout cas, de ma petite expérience, un tel amour aussi foncé. Moi, je ne comprends pas. C'est le même amour, peut-être, que Barkhane vouait pour le Mali, pour le peuple malien. On leur demande de partir en ce moment qu'ils sont en train de déclarer leur fuite. Nous ne comprenons pas. Et ce qu'essayait de dire Bassorossi s'il a effectivement, c'est qu'en réalité, il n'y a pas une seule manifestation aujourd'hui au Mali. Il n'a pas été bien entendu. Il essaie de vous dire qu'il y a plusieurs manifestations. Les images que vous voyez comme ça, cette vidéo diffusée, ça c'était ce matin dans la commune de Sitakili. Sitakili, c'est où? Sitakili, c'est dans la région de Kayes, la première région du Mali, et précisément au niveau du cercle de Kenyeba. Cercle de Kenyeba, c'est là où on produit le plus d'or au Mali. Donc comprenez que naturellement, le problème de Kenyeba devrait être un problème orienté vers l'exploitation, bien sûr, des ressources minières, mais vous allez comprendre qu'aujourd'hui, Kenyeba essaie un peu de mettre de côté d'abord son problème d'or et lié à tout ce qui doit avoir ses problèmes d'environnement, mais de faire face à la MINUSMA. Kenyeba n'enregistre pas la présence des troupes de MINUSMA. Mais c'est une question nationale. C'est pour vous montrer, c'est pour vous dire que c'est le peuple malien dans son ensemble qui est en train de se retrouver. C'est ce que j'essaie d'expliquer un peu le frère Bassarossi là. Et je salue le frère Koné d'ailleurs qui vient de faire une très bonne intervention aussi. Maintenant, la MINUSMA partira, partira pas. C'est la question qui est sur la table. Elle partira. Parce que le dernier mot revient toujours au peuple malien. La MINUSMA, vous comprenez que même si vous venez de tuer un serpent, le serpent va s'agiter un peu, bien sûr, avant de rentrer l'âme. Et si vous égorgez un mouton, il en est de même. Le mouton va essayer de se débattre. C'est comme nous avons vu l'armée française se débattre avant de quitter le Mali, se débattre avant de quitter le Burkina. Mais bien sûr que la MINUSMA va partir. Au plus même aujourd'hui, nous avons des informations. La MINUSMA a injecté suffisamment de fonds. Des journalistes. Vous avez vu Serge Daniel qui n'a pas hésité, l'homme hibou n'a pas hésité à bâtir en faisant croire qu'il y avait des casques bleus qui avaient aidé l'armée malienne dans l'attaque de Sévaré. Tout ça pour légitimer une présence de la MINUSMA au Mali, comme l'a dit bien sûr le frère Koné qui vient d'intervenir précédemment. Ce qui n'est pas vrai, c'est un mensonge. Le chef d'état-major malien, il est rare de le voir sur les médias. À personne est allé sur ORTEP, Office de radio-télévision division du Mali, aller démentir cela pour dire que les militaires maliens ont été les seuls à contrer cette opération qui n'est pas parvenue à atteindre, bien sûr, en tout cas, les camps militaires, leur objectif. Et c'était à l'aide des enfants soldats, tellement les terroristes ont des difficultés aujourd'hui sur le terrain. La MINUSMA a essayé d'orchestrer plusieurs campagnes. Elle a essayé de faire croire que non, c'est Bamako qui ne fait pas de sa présence. Aujourd'hui, vous avez vu la commune de Sitakili, il y a d'autres villages du Mali, d'autres localités du Mali, qui ne veulent pas de leur présence, qui n'ont rien à voir avec Bamako. Et vous allez voir aussi dans d'autres localités du Nord, la MINUSMA comme Barkhane, Barkhane avait fait la même chose. Barkhane avait choisi les quelques jeunes Maliens qui travaillent à son sein pour que ces jeunes-là disent qu'en réalité, le départ de Barkhane va créer des difficultés économiques et autres. Cette campagne, la même chose, la MINUSMA est en train de tenter la même chose encore dans les régions du nord du Mali, essayer de payer quelques jeunes, et essayer des jeunes qui travaillent, que vous savez, une force comme la MINUSMA, avec tout son budget, quand elle vient dans votre pays, elle ne fait pas travailler moins de 5 000 personnes. Donc, il faut, pour la MINUSMA, il faut essayer de miser sur cette masse, en tout cas, et sur cette part importante des Maliens, pour essayer de les convaincre que leur départ, bien sûr, ça va remettre tous ces jeunes-là au chômage, et que pour ces jeunes, c'est une question de renouvellement des survies personnelles. Or, sur la table, il faut choisir entre les intérêts personnels au départ de la MINUSMA et bien sûr les intérêts nationaux du Mali. Donc la MINUSMA essaie de confronter ces jeunes-là, comme c'est le cas dans le monde occidental, les chacun pour soi. Essaie de confronter ces jeunes-là à leur peine quotidienne, bien sûr, que la MINUSMA trouve liée, bien sûr, à sa présence. Or, c'est que la MINUSMA oublie, comme on le dit à Bambara, ou ni ma MINUSMA Ganallo. C'est-à-dire quoi? Ces jeunes-là n'ont pas poussé l'aide avec l'avenir de la MINUSMA. La MINUSMA est venue trouver ces jeunes avec leur traînée d'âme au complet. Ça veut dire quoi? Ces jeunes avaient déjà une vie avant l'avenir de la MINUSMA et ces jeunes auront naturellement une vie après le départ de la MINUSMA. Quitte aux autorités maliennes aujourd'hui d'essayer de trouver des alternatives. Quitte aux panafricains, bien sûr, d'essayer d'orienter certains projets vers les Mali, vers ces régions, bien sûr, pour créer des alternatives au départ de la MINUSMA pour qu'il n'y ait pas un vide. Parce que n'oubliez pas qui a travaillé à la MINUSMA si ce dernier ne parvient pas à être réinséré après professionnellement. Si c'est un patriote, il y a des gens qui peuvent se débrouiller. Mais les quelques-uns, bien sûr, peuvent être des sources à problème parce qu'ils vont garder, bien sûr, des contacts avec les gens de la MINUSMA qui sont partis et bien sûr être un peu une sorte d'antenne pour des gens comme Serge Daniel et autres. Donc, aux autorités du Mali, de savoir exploiter cela pour qu'aucun Malien ne travaille dorénavant, non seulement au maintien de la MINUSMA, mais qu'après le départ de la MINUSMA, qu'il n'y ait aucun problème. Il faut faire partie de la MINUSMA tout bonnement, comme Barkhane, en tout cas, a été délogé du Mali. C'est un processus, et je pense que les autorités du Mali doivent prendre cela en main, doivent considérer cela, et en tout cas, d'une façon très sérieuse. Parce qu'aujourd'hui, quand tous les Maliens commencent à manifester, demander le départ de la MINUSMA, je pense que les autorités n'ont autre choix, bien sûr, que d'aller dans ce sens. Dites-moi si les autorités ne vont pas dans le sens du peuple, des jeunes qui sont en train de se manifester partout, et qu'est-ce qu'il en deviendra peut-être de la transition? Donc aujourd'hui, la transition, pour en tout cas se faire une bonne santé, je pense qu'elle a intérêt de s'aligner bien sûr sur la position de plus en plus de voix qui se lèvent pour le départ de l'administration. Et les quelques nostalgiques, ceux qui craignent pour leur emploi, bien sûr, c'est aux autorités de prendre des dispositions et bien sûr d'essayer de parler avec aussi ces Maliens. Je vous remercie. Tadiawara pour cette première intervention. La question, je l'ai posée tout à l'heure à notre ami Daouda Bakary Kodé. Je vous la pose à vous également. Cette mission-là, telle que c'est parti vraisemblablement du côté de l'ONU, vu qu'on a l'habitude de prendre les décisions de ce côté-là sans véritablement consulter le peuple, la mission, le mandat de la MINUSMA sera vraisemblablement reconduit par les Nations Unies. Si jamais cela est fait, quelle réponse doit apporter le gouvernement malien? J'apprécie la réponse de mon frère Bakary Kodé. Quelle réponse le gouvernement malien doit apporter? D'abord, il faudrait voir quel impact sur les contingents en présence. Parce que la MINUSMA, il ne s'agit pas des troupes d'un seul État. Il s'agit de plusieurs États qui sont contributeurs des troupes. Ces États, beaucoup d'entre eux sont contributeurs tant que la MINUSMA a un mandat légal. C'est ce que j'essaie de dire. Maintenant, le Mali avait des difficultés. C'est-à-dire quoi? La dernière fois, le Mali n'a pas voulu récupérer le mandat. Mais ça trouvait qu'il y avait un problème aussi avec Alassane Dramane Ouattara, Gaspard Diébébé, alias le Chiamo le Troubler. Donc, il y avait des difficultés de ce côté. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, le Mali fait face pleinement à ce dossier de l'administration. La France a perdu le statut de porte-plume. C'est-à-dire quoi? C'est la France qui travaille à faire renouveler le mandat de l'administration au nom du Mali. Dorénavant, le Mali a lui-même ses statuts. C'est au Mali de demander le renouvellement du mandat de la MINUSMA ou non. Est-ce que le Mali va demander? Non. Si le Mali ne demande pas, est-ce qu'en ce moment on peut parler d'un renouvellement? Non. À ce moment, la MINUSMA devient d'office une force d'occupation au Mali. Un ensemble de forces d'occupation. Et impact, certains États n'accepteront pas de rester dans un cadre illégal et dans un pays qui ne veut pas de leur présence. Ils ne vont pas risquer la vie, en tout cas de leurs enfants, de leurs militaires, tout cela. Ça, c'est le premier point qu'il faut noter. Et tout État qui hasarde à laisser ses troupes ici, à abandonner les enfants, à abandonner ses concitoyens, et ça peut avoir des répercussions sur les chefs d'État en question, et beaucoup de régimes risquent de tomber. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, maintenant, au niveau du Mali, qu'est-ce que le Mali peut faire? Si la MINUSMA est dans un cadre légal, bien sûr, que les forces armées de défense et de sécurité du Mali doivent prendre leurs dispositions face à des troupes d'occupation. C'est aux autorités du Mali de savoir si l'armée malienne pourra contraindre la MINUSMA militairement sur le terrain. Et au vu des équipements que nous voyons, nous pensons qu'il y a quelque chose qui se prépare dans ce sens. Ou encore, l'armée malienne peut ne pas livrer une bataille ouverte face à des forces onusiennes qui n'obtiendront pas un mandat aussi contre le Mali, parce qu'il y aura le veto russe et chinois. Maintenant, qu'est-ce que le Mali pourra mettre en place comme stratégie aussi? Il s'agit de montrer d'abord une campagne de communication, de montrer aux yeux du monde qu'il y a des troupes d'occupation au Mali. Sur le plan militaire, il s'agira pour le Mali, bien sûr, de bloquer toutes les bases de l'aménagement, les empêcher de sortir, les empêcher de circuler au Mali, parce que souvent ce sont des mercenaires étrangers dont la présence n'est pas voulue au Mali. Et autre chose, les populations maliennes même peuvent barricader les routes, empêcher les convois de l'aménagement de passer. Tel que je connais les Maliens, si l'aménagement reste dans un cadre illégal, dans beaucoup de localités, elle ne pourra plus circuler, voire sur l'ensemble du territoire malien, sinon elle risque d'être accueillie, bien sûr, et par des manifestants très en colère. Ça, c'est tel que je connais les Maliens, le Malien lambda, si on étudie bien l'histoire du Mali, et jusqu'à l'actualité, les Maliens ne laisseront pas l'aménagement si les cinq colonels ne renouvellent pas le mandat de l'aménagement, et aucun président de l'aménagement ne sera trouvé. Par les autorités, il y aura des moyens diplomatiques, des moyens militaires pour contraindre l'aménagement au départ, les quelques congétins y a qui vont rester. C'est pourquoi l'Allemagne dit qu'elle va partir jusqu'à la fin 2024. Qui a dit ça à l'Allemagne? Elle doit tout simplement attendre d'abord les autorités du Mali. Moi, je pense qu'elle doit partir avant fin 2023. Il faut que les autorités du Mali travaillent à cela. Et ensuite, maintenant, il y a les populations maliennes, bien sûr, qui peuvent être, en tout cas, qui peuvent facilement se radicaliser face, en tout cas, à cette demande cruciale, à cette demande accrue du départ des troupes de l'aménagement. Donc, si le mandat n'est pas renouvelé, il n'est aucunement d'intérêt, bien sûr, de l'aménagement de vouloir s'entêter, de rester au Mali. Si le temps, beaucoup de régimes contributeurs de contingents pourront tomber dans leur propre pays, ils risquent d'avoir des coups d'État, parce que là, ils vous ont livré des militaires à l'abattoir dans un pays qui ne veut pas de leur présence. Et bien sûr, l'aménagement peut se retrouver, en tout cas, tous ces mouvements peuvent être entravés par les autorités du Mali. Et bien sûr, les populations maliennes seront dans la loi de bloquer tout mouvement de l'aménagement et de le contraindre également au départ. Merci. Mon cher ami. Afrique Média, le monde, c'est nous.